Chapitre 26e. Le jeune duc de Valembreuse et le vicomte de Kerlusset venaient de quitter l'auberge et se mettaient en route pour le vieux manoir que le baron de La Vernaye appelait en riant sa taupinière, à la grande indignation de sa sœur Athénaïs et de Brigitte. Pendant qu'ils traversaient le village de Saint-André, ils virent des hommes et des femmes qui couraient, s'interrogeaient et se quittaient avec des signes d'étonnement et de consternation. « Que signifie ceci ? » dit Octave à Kerlusset. « À voir tous ces gens effarés, on croirait qu'un malheur est arrivé. » Une femme passa auprès d'eux en ce moment. Amaury l'arrêta. « Ma brave femme, pourriez-vous m'apprendre la cause de toute cette agitation ?»« Quoi, monsieur, vous ne savez pas la nouvelle ?»« Quelle nouvelle ?» fit le jeune duc. « Deux barreaux de la galerie du fier se sont rompus, on ne sait comment. Les planches posées dessus sont tombées et deux personnes qui s'y trouvaient en ce moment ont été précipitées dans le torrent. On n'en put repêcher qu'une, elle était morte. Quant à l'autre, le courant l'a emportée. « Mais c'est horrible, cela !» dit monsieur de Kerlusset. « Et sait-on quelles sont ces personnes ?» reprit Octave. « L'une d'elles, c'est monsieur le baron de La Vernaye, que nous connaissions tous ici. »« Le baron ?» exclamèrent Octave et Amaury. « Et l'autre ?» demandèrent-ils en même temps. « Celle qu'on a repêchée, est-ce qu'on m'a dit une duchesse ? Je ne me rappelle pas bien son nom, mais il finit en euse. »« Valembreuse ! » s'écria le jeune duc pâle comme un mort. « Oui, c'est cela, c'est bien cela !» dit la bonne femme. Octave poussa un rugissement de bête fauve et s'élança comme un fou dans la direction du chalet. Kerlusset se précipita sur ses pas. Au moment où il rejoignit, Octave, le regard en feu, étreignit au bras John Colfax, qui était assis paisiblement dans son cabinet de travail. Flavia, qui avait vu entrer le jeune duc, accourut. « Qu'y a-t-il donc ? » lui demanda-t-elle. « Et que voulez-vous à mon père ?»« Il y a, misérable créature, que je voudrais pouvoir broyer sous mes pieds !» répondit Octave, écumant de rage. « Il y a que votre lettre cachait un piège abominable. Ma mère est morte, tuée par vous, j'en suis convaincu. »« Par ma fille ?» s'écria l'Américain. « Par moi ?» dit Flavia stupéfaite. « Et comment ?»« Je ne le sais pas encore, mais votre main, je le jure, est pour quelque chose dans la mort de ma mère, et sa mort veut du sang. »« Octave, » dit M. de Kerlusset, « une telle accusation ?» Le jeune duc l'interrompit et s'adressant à Sir John Colfax. « Les pistolets, monsieur, les pistolets » continua-t-il. « Ils étaient tout prêts, » répondit froidement l'Américain. « Les voici. » Il ouvrit son secrétaire et posa les deux pistolets sur une table. « Un seul est chargé, n'est-ce pas ?» reprit Octave. « Un seul. Choisissez. » Le vicomte voulut se précipiter sur les armes. Octave, la fureur et le désespoir dans le cœur, l'arrêta violemment. Flavia Morin, blanche de terreur, poussa un cri, chancela et tomba évanouie. Pendant que Kerlusset courait à elle, Octave avait saisi un pistolet et appuyé le canon sur son front. La détente partie, Octave était resté debout. Le hasard avait mis dans sa main le pistolet qui n'était point chargé. Déjà, John Colfax, froid et impassible, le pistolet également sur son front, allait presser la détente lorsque Kerlusset s'élança, lui arracha l'arme de la main et la jeta par la fenêtre qui était entr'ouverte. Puis, prenant Octave au bras, « Allons auprès de votre mère morte, » lui dit-il, et l'entraîna hors du chalet.